إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا إن شاء الله مع صحيح الجامع الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ونذكر ونشرح اليوم بإذن الله سبحانه عز وجل بعض الأحاديث. وقبل هذا كالعادة نراجع آخر حديث توقفنا عنده، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى. آخر حديث توقفنا عنده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليوجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. هذا آخر حديث إن شاء الله توقفنا عنده، وهو أن من سنة إذا دعي أحد إلى طعام فلينظر إن كان كما في الحديث، إن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي هنا أي فليدعو. إذن في كلا الحالتين الواحد إذا دعي إلى وليمة فليذهب، لأنه في حديث آخر وهو صحيح أيضا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يجب فقد عصى أبا القاسم. ومع هذا فقد استثنى العلماء المواطن التي يجوز بل يجب أن لا يذهب، وهي المواطن التي يكون فيها مثلا الفتن، ويكون فيها الاختلاط، يكون فيها الحرام، يكون فيها الموسيقى وهذه الأمور، فهنا يجب عليه أن يمتنع من الذهاب ومن إجابة الدعوة. وفيه موطن ثاني يجوز الإنسان أن يمتنع من الذهاب، وهو إذا ترخص وطلب من دعاه أن يستعفيه، كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري عن السلف رضي الله تعالى عنهم. يعني تستطيع إذا دعاك أحد وكنت مثلا مشغولا أن تعتذر له قبل الذهاب، تقول أعفيني بارك الله فيك فإني لا أستطيع أن آتي، فإذا سمح لك فإنه إن شاء الله تعالى تخرج من النهي ولا تكون عاصيا لأبي القاسم. أقول ندرني حديث ونسيتي طارت لفوفاسي C'est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il a dû y ahadukum ila ta'am fal yujib. Si quelqu'un vous invite par exemple à manger, vous devez répondre pas oui, yani vous devez y aller. Fa'in kana muftiran, quand on nous invite, ou bien que par exemple j'ai déjà, ça veut dire, ou bien que je fais le jeûne ce jour là je fais karam, ou bien je ne fais pas. Des fois il m'invite par exemple un lundi ou un jeudi, par exemple j'ai l'habitude de faire le jeûne le lundi. Si quelqu'un m'invite le lundi, donc si je pars, yani je réponds par oui, ou bien que ce jour-là, par exemple, j'ai fait le carême ou bien j'ai pas fait. Maintenant, si j'ai pas fait, il n'y a pas de mouchkila, je vais manger. Maintenant, si j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Le prophète alayhi salatu wasalam a dit: Fal yusalli, ay yad'u lahu. Donc, je réponds à son invitation. Et qu'est-ce que je fais? Au lieu de manger, je lui fais des doigts. Je lui dis par exemple: Akala indakum sa'imun, iftara indakum al-abrar, wa sallata alaykum al-malaika. Ou, mathalan, je lui dis là-haut, je fais un doigt du matin, comme dans le hadith sahih: Allahumma ghfir lahum warhamhum, wa barik lahum fima razaqtahum. Kullu hadhihi al-ahadith sahiha. Hada akhir ma qulna. Amma al-yawm, inshallah ta'ala, hadith al-jadid, alladhi nabda'u bihi, huwa anna al-nabiyya صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا رأى أحدكم مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا. كان شكر تلك النعمة كان شكر تلك النعمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, quand quelqu'un voit, quelqu'un par exemple, Mubtala, par exemple, quelqu'un qui a une maladie grave, là, quelqu'un par exemple qui vient de se fracturer, ou là quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit dire? Si on dit Alhamdulillah, on dit Alhamdulillah, alladhi afani mimma btalaka bihi, wa faddalani ala kathiri min ibadika tafdila. Si je dis ce doua, ce hadith là a dit Alhamdulillah, donc tu as fait chakar tanyama, donc tu as fait yani, l'obligatoire, tu as fait le parfait, parce que tu yani chakar Allah azza wa jal ala ni'ma allati anta fiha, ala ni'ma, car Alhamdulillah tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne t'est pas arrivé ce qui lui est arrivé. Dans un autre hadith il a dit, c'est un hadith sahih aussi, il a dit لم يصبك ما أصابه فيما معناه, هذا معنى الحديث لكن هو صحيح عند الشيخ الألباني, لم يصب أو قال لم يصب بذلك البلاء. Dans un autre hadith il a dit, si tu fais ce doua, tu vois quelqu'un de malade, etc., tu fais ce doua, cette maladie ne te viendra jamais, tu ne tomberas malade de cette maladie. À cause de quoi? À cause de ce doua qu'on doit dire. Mais bien sûr les ulama on ne dit pas ce doua fort comme ça devant lui, parce qu'on risque de le choquer, on risque de le choquer, et seulement on le dit comme ça entre nous-mêmes. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil baraka fa inna al-'ayna haqq. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un de vous voit yani par exemple voit en son argent ou la hatta en sa personne, voit en sa personne ou là en son argent ou bien en son frère quelque chose qui lui plaît, falyad'u lahu bil baraka, yani qu'il lui fasse des doigts pour que Allah azza wa jal yani il lui bénisse ce qu'il a, yubarik lahu. Pourquoi? Quelle est la cause? قال فإن العين حق, yani le mauvais œil, il existe et il est حق, yani il existe, il est vrai. لماذا؟ لأن بعض الناس لا يؤمن بهذه الأمور, بعض الناس ينكر يقول لا دخل للعين, ولماذا يعني كثير من الناس عندهم مثلا أموال طائلة وكذا ولم يصابوا بالعين, ولم يصاب, هكذا يحتجوا بعضهم يقول لماذا بعض الناس عندهم أموال طائلة وكذا ولم يصابوا بالعين. لكن نحن نقول طالما أن عندنا هذا الحديث صحيح, فإن الإنسان ماذا يقول؟ لابد أن يقول سمعنا وأطعنا ويعلم أن هذا حق. نعم, donc ce hadith qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith il a dit, si quelqu'un voit en lui ou là en une autre personne, en son frère ou là en son argent quelque chose qui lui plaît, qu'il dise quoi? Qu'il dise yani qu'il fasse des doigts de la baraka. Pourquoi? Parce que il y a le mauvais œil. Et le mauvais œil, bien sûr, il y a beaucoup d'ahadith, كثيرة جدا, qui disent que le mauvais œil existe. Il y a même le Coran. نعم, لحظة. نعم. Il y a même dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, il a dit وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ Donc voilà un verset qui dit que les kuffars, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les kuffars avec leur façon de te regarder, ils veulent presque te faire tomber ou te faire du mal. Donc c'est une preuve, les ulama ont dit, voilà une preuve que le mauvais œil existe même dans le Coran. D'ailleurs, في آية أصرح من هذه وهو أن يعقوب عليه السلام لما قال ليوسف لا تقصص رؤياك عفوا لما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قال العلماء هذا لماذا من أجل العين من أجل ماذا من أجل العين. Donc il y a un deuxième verset aussi dans le Coran qui est plus clair, c'est celui où Allah Azza wa Jalla a dit يعني على لسان يعقوب عليه السلام lorsqu'il a dit يا بنيا mes enfants ne rentrez pas par une seule porte, ne rentrez pas par une seule porte. Ils sont déjà 11 enfants qui vont rentrer tous يعني d'une même porte, ça va attirer l'attention des gens, tout le monde va dire subhanallah, يعني toutes ces personnes ou tout ce nombre, ce sont les fils de Yaqub alayhi salam. Donc ils vont le frapper, ce qu'on appelle avec un mauvais œil. C'est pour ça que Yaqub alayhi salam a dit, yani essayez de par exemple de rentrer par cette porte, trois rentrent par cette porte, deux autres par une autre porte, et ainsi de suite. On ne rentre pas tous à la fois d'une même porte. Donc l'ayn haq, l'ayn hada, le mauvais œil haq. وفي أحاديث كثيرة كما قلت حتى تذكرت حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر يعني العين elle peut même tuer quelqu'un, le mauvais œil peut même tuer quelqu'un, comme a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, le mauvais œil peut rentrer la personne dans la tombe, ça veut dire il peut faire mourir. Et il a dit il peut rentrer le chameau dans la marmite. Pourquoi il va rentrer dans la marmite? Parce que quand on le frappe avec un mauvais œil, il va mourir, donc son propriétaire va l'égorger et va le manger. Il y a même un hadith sahih qui dit que le prophète alayhi sallam a dit, ce hadith aussi sahih, il se trouve dans Sahih al-Jama, le prophète alayhi sallam a dit, pardon, qu'est-ce qu'il a dit, je me souviens du hadith, أكثر ما يموت من أمتي بالأنفس. L'anfus, c'est l'ayn. La plupart de ma nation meurt du mauvais œil. Subhanallah al-Azim, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah, c'est quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose d'étonnant. Il y a un hadith comme ça. La plupart, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la plupart de ma nation meurt avec le mauvais œil. Bien sûr, certains vont dire, mais la plupart meurent de maladie, qu'elle a. Oui, même la maladie, même les accidents, même, c'est d'abord tu as eu un mauvais œil, ensuite l'accident est arrivé, ensuite le cancer est arrivé, ensuite ceci est arrivé. C'est un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin يعني المثير هنا للدهشة هو أن الحديث قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه, من أخيه ما في مشكل, لكن قال من نفسه أو من ماله يعني ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. يعني حتى الإنسان قد يعاين نفسه, هاي المشكلة, يرى نفسه في المرآة يقول أنا كذا وأنا قوي وأنا جميل أو أنا كذا, ومثلا يحسب مثلا يكون يحسب في ماله يقول أنا غني أنا كذا, ولا يبرك ولا يقول اللهم بارك ولا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله, فيعاين نفسه وسبحان الله العظيم. دونك même donc le hadith, ce qui est étonnant c'est qu'il a dit que même la personne elle-même peut se frapper du mauvais œil. C'est pas seulement on frappe les autres d'un mauvais œil, si on frappe les autres yani, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, la râle. Lakin on se frappe nous-mêmes on peut se frapper d'un mauvais œil quand on se regarde par exemple dans un miroir, on se dit on est fort, on est beau, on est serré, on ne dit pas Allahumma barak, on ne dit pas Masha'Allah la quwwata illa billah, ou bien quand on est en train de compter si on a de l'argent, on va dire oh Allah j'ai beaucoup d'argent, je suis riche, je suis kada, au lieu de dire Allah ibarak, au lieu de dire Masha'Allah la quwwata illa billah. Donc le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit même toi-même tu peux te frapper d'un mauvais œil. Wa la nadhhabu ba'idan, fa inna Allah azza wa jalla qala fi al-Qur'an لذلك الإنسان قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماذا؟ قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني حتى أنت لما دخلت جنتك أنت كان لابد أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولما لم تقول ذلك أصابك ما أصابك. دونك يا ماما نوتر فيرسي كي دي جنتك هنا يعني بستانك حديقتك. Il y a même un verset qui dit le surat al-Kahf, si lorsque tu étais rentré dans ton jardin, tu avais dit Masha'Allah, la quwata ala billah, yani, il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé maintenant. Parce que ce bonhomme est rentré dans son jardin et yani, il a commencé à se vanter, etc., lorsqu'il a vu les beaux arbres et les fruits, etc. Au lieu de dire Masha'Allah, la quwata ala billah, il ne l'a pas dit. Donc le mauvais œil, hada, il existe. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on doit beaucoup faire des doigts, on doit beaucoup dire A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Ce hadith, tout le monde doit l'apprendre, ce doigt. A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Min kulli aynin lamma. Ou alors, comme on fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Azza wa Jalla a fait descendre قول أعوذ برب الفلق et قول أعوذ برب الناس, il a laissé la plupart des autres adhiya et il s'est réfugié vers Allah subhanahu wa ta'ala avec ces deux sourates قول أعوذ برب الفلق et قول أعوذ برب الناس, mais joindra cela les dua, c'est plus parfait. Donc voilà en ce qui concerne l'ayn hadi, et que on ne doit pas yani plaisanter avec l'ayn, parce que le prophète alayhi sallam a dit la plupart de ma nation meurt avec l'ayn hadi, hein? au point où les ulama ont dit, j'ai lu ça dans un livre de Ibn Qayyim alayhi rahmatullah, les ulama ont dit quand quelqu'un on est sûr, ça y est, yani, par expérience on est sûr qu'il a un mauvais œil, parce qu'il y a des gens qui ont comme ça un mauvais œil. Il a dit si on est sûr que X par exemple dans ce village X a le mauvais œil, de façon à chaque fois si une belle voiture passe il la regarde, on fait un accident, c'est, si une vache passe devant lui il la regarde, elle meurt, etc. Il a dit qu'est-ce qu'on fait. Il a dit le gouverneur al-Hakim doit ou peut ou doit l'emprisonner dans une maison ou dans sa maison, dans la maison du bonhomme, il lui laisse ce qu'on appelle maintenant Iqama Jibriya. En français, ça se dit résidence surveillée, par exemple. Il lui laisse un ou deux policiers devant la porte et il n'a plus le droit de sortir. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que yani, il guérisse, parce que le mauvais œil lui-même, c'est une maladie de son cœur. Et bien sûr, on lui donne, quand on le met dans une résidence surveillée, ça veut pas dire que il va mourir de faim ou là. Pire, parce qu'on doit lui donner la paye. On lui dit, reste, toi, tu ne sors plus de la maison, et on lui donne une paye, et il reste à l'intérieur de la maison. Pourquoi? Parce que c'est très grave, il peut tuer des gens. Et pour terminer dans le mauvais œil, الحل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا علم من هو العائن يطلب منه ماذا؟ يطلب منه أن يتوضأ ويأخذ ذلك الماء منه ويرميه على نفسه, يرمي على نفسه هكذا من فوق على نفسه. قال فإن هذا هو شفاء ذلك, والحديث هذا صحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا استغسلتم فاغسلوا, يعني إذا طلب منك الإنسان أن تتوضأ لهذا الغرض لابد أن تفعل. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi que la solution, quand on est atteint de mauvais œil, la solution, si on connaît celui qui a le mauvais œil, si on le connaît, on lui dit quoi? On lui dit de faire un wudu. Il fait le wudu et l'eau avec laquelle il fait le wudu, il la jette pas. Il fait par exemple le wudu dans une grande marmite, par exemple une grande bassine. Ensuite on prend l'eau avec laquelle il a fait les ablutions et on la jette sur nous-mêmes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait cela sera guéri. Et c'est pour ça qu'il a dit que quiconque lorsqu'on lui demande de faire le wudu à cause du aïn, du mauvais œil, il n'a pas le droit de s'abstenir, il n'a pas le droit de dire non. Il est obligé. Si quelqu'un te demande de faire les ablutions parce qu'il craint que tu as un mauvais œil, tu es obligé de faire les ablutions et de lui donner cette eau pour qu'il la renverse sur lui-même. وقال هذا فيما يخص العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 555 عفوا قال إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره فيقول دعوني أبشر أهلي فيقال له أسكن إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره فيقول دعوني أبشر أهلي فيقال له أسكن. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith, lorsque le mu'min, le croyant, lorsque il rentrera dans sa tombe et il verra comment que Allah Azza wa Jal va lui yani, faire grandir la tombe, parce que quand on rentre dans la tombe elle fait peut-être un demi-mètre de largeur. Mais Allah Azza wa Jal, comme dans un hadith sahih, il va la faire grandir, la tombe Hadi. Il va la faire grandir. Si je n'ai pas oublié, il a dit 35 mètres. Yani, seb'ouna dira'an, si je n'ai pas oublié. À peu près 35 mètres sur 35 mètres. Alors là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, da'ouni ou bashir ahli, il va dire aux anges, laissez-moi pour que yani, je dise à ma famille yani, que je suis heureux, etc. Parce que celui qui rentre dans la tombe, ou bien que cette tombe yani, elle va rester comme ça très petite, et pire encore elle va se serrer plus yani, le adab, plus le châtiment qu'il y a à l'intérieur, plus le serpent Ada dans le hadith sahih, le serpent qui a sept têtes qui va venir, plus yani, beaucoup beaucoup de mashakil. Ou bien il va rentrer dans sa tombe et Allah Azza wa Jal va la faire grandir, yani il va la faire grandir, il va lui donner de la lumière noire à l'intérieur, il va avoir sa place au paradis et il va être très heureux. Yani, il n'y a pas autre chose. Mais le hadith, il y a un hadith qui dit que al-qabr imma rawda min riyad al-jannah al-hufra min hufra al-nar. Ce hadith n'est pas sahih, juste pour que vous le sachiez. Ce hadith, c'est un hadith daif, mais son sens est vrai. Son sens est vrai. Ça veut dire que quand on est dans la tombe, il n'y a que ça. Ou bien c'est le paradis, ou bien c'est l'enfer dans la tombe. Ça, son sens, le sens du hadith est vrai. Mais les paroles du hadith, yani nass al-hadith, c'est un hadith daif. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج فإنما ذلك منه استدراج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. Je vois sur l'écran ce qui est l'eau restante. Non, c'est l'eau restante. L'eau restante, lorsqu'il fait, il fait le wudu, il fait dans une bassine par exemple, on prend l'eau qui reste dans la bassine, l'eau avec laquelle, pas l'eau restante, l'eau avec laquelle il vient de faire les ablutions, l'eau elle-même, yani l'eau qui tombe quand il se lave la figure, il y a l'eau qui tombe, etc. Toute cette eau qui tombe, c'est cette eau qui doit la prendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, si tu vois Allah subhanahu wa ta'ala en train de donner yani min ad-dunya ma yuhib, en train de donner à une personne de ce bas monde ce qu'elle veut, il lui donne de l'argent, il lui donne yani des palais, il lui donne, wa huwa muqim ala ma'asi, alors que cette personne du matin au soir elle fait des péchés, du matin au soir elle fait des péchés, fa'alam fa'innama dhalika min ustidraj. Alors le prophète a dit là tu dois comprendre que Allah Azza wa Jal lui fait un istidraj. Un istidraj c'est quoi? C'est difficile de dire en français, mais l'istidraj c'est, ça veut dire que, faire tromper. Hein, je te fais tromper de façon à ce que tu crois que tu es dans le vrai chemin. Parce que tu vas te dire comment? Moi, subhanallah al-adim, du matin au soir, je ne fais que des péchés, et Allah Azza wa Jal m'ouvre des portes. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal n'est pas en colère contre moi. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal m'aime, etc. Et au fait, l'un, hakada yufakir kathir min nas. Kathir min nas, ida, kana ala ma'asin, wa ra'a, yani, kif Allah Azza wa Jal yugdiq alayhi min al-ni'am, yadun anna Allah Azza wa Jal radiyan anhu, bel yadun anna Allah Azza wa Jal yuhibbuhu, wa anna Allah Azza wa Jal لو كان غضبان عليه يعني ما أعطاه كل هذا وهذا بطبيعة الحال هذا يسمى في الشريعة استدراجا يسمى استدراجا يعني الله عز وجل يريد أن يستدرجك حتى تظن أنك على حق في حين أنك على باطل دونك هذا النبي صلى الله عليه وسلم nous avertit que quiconque fait des péchés surtout les grands péchés ensuite الله عز وجل lui ouvre les portes ça veut pas dire que الله عز وجل aime cette personne. Ça ne veut pas dire aussi que Allah Azza wa Jal n'est pas en colère de cette personne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire au contraire qu'il te trompe pour que tu crois que tu es dans le vrai chemin. Ensuite, tu vas mourir ainsi et tu vas le rencontrer dans yani, tu vas le rencontrer pour te faire rentrer à Jahannam. C'est pour ça que Si tu vois que Allah Azza wa Jal t'ouvre les portes et que tu es dans son adoration, tu ne fais pas de péché et malgré ça il t'ouvre ses portes, les portes se bamontent, maintenant ce n'est pas un istidraj. Allah Azza wa Jal veut t'aider ou là il veut te donner ou là. Mais si quelqu'un fait des péchés et Allah Azza wa Jal lui ouvre des portes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un istidraj. Ça veut dire qu'il faut faire, il faut faire attention. C'est pour ça que le vrai croyant qui connaît par exemple comme ce hadith, il se trompe pas. Dès qu'il voit quelqu'un qui fait beaucoup de péchés, Allah Azza wa Jal lui ouvre des portes, il sait que Allah Azza wa Jal lui veut du mal et il lui veut pas du bien. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal a dit dans un verset, il a dit ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما سبحان الله العظيم ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين سبحان الله آية عظيمة جدا. C'est pas la Azzawajal a dit dans ce verset en ce sens, je dis à peu près le sens. Yani, c'est pas la peine que les koufars croient que ce que je leur donne et les portes que j'ouvre, c'est parce que c'est pour eux-mêmes, c'est parce que je les aime, c'est parce que je suis réjoui d'eux. Non, il a dit c'est pas à cause de cela. Walakin liyazdadu ithman, mais bien au contraire pour que ils fassent encore plus de ithm. C'est Ali Imran. Et donc il leur donne ça pourquoi? Pour que il fasse encore plus de ithm, car quand Allah Azza wa Jal ouvre à quelqu'un ses portes, il lui donne beaucoup plus d'argent, etc. C'est avec l'argent qu'on fait le ithm et qu'on fait les péchés. Quand on est pauvre, on ne fait rien. On est pauvre, on ne peut pas faire. Il y a un autre verset sur le Mu'minun, si je me rappelle, où Allah Azza wa Jal dit, pardon une seconde, faqad, je me rappelle, أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نسارع لهم في الخيرات ماذا يحسبون أني أعطيهم لأني أسارع لهم في الخيرات قال بل لا يشعرون يعني هذا مو صحيح فقط لا يشعرون أسكي خوا يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين أسكي خوا que ce que je leur donne comme argent et comme enfant je leur donne beaucoup d'enfants les kuffars beaucoup d'argent Est-ce qu'ils croient que nous serrons là en fil khayrat, c'est que parce que je les aime et je leur fais du bien, ensuite là dit Bellesh Auron. Mais en vérité, ils ne savent pas. Ils ne savent pas la vérité. هذا عدل من الله سبحانه وتعالى parce que الله عز وجل sait que le kafir il n'aura rien le jour du jugement dernier, il n'aura rien, il n'aura que le que l'enfer, il n'aura que l'enfer. Alors الله عز وجل qui est le plus juste, العدل, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne ici comme ça qu'ils vont dire يوم القيامة الله عز وجل pourquoi tu ne rentres pas au paradis, etc. Il va leur dire écoutez, vous avez, je vous ai donné tout quand vous étiez dans le bas monde. D'ailleurs, les musulmans, etc., je ne leur ai pas donné. Et vous, je vous ai tout donné. C'est pour ça que ils ne pourront plus parler le jour du jugement dernier. Vous avez remarqué combien de musulmans n'ont rien et combien de kuffar Allah Azza wa Jal leur donne des choses qu'ils ne donnent pas aux musulmans et aux croyants. Et ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, parce qu'ils les aiment. En ce qui concerne les versets, etc., Inch'Allah Ta'ala, après, quand je termine le dars, parce que je dois aller ouvrir le Coran et chercher le dars. Et chercher le numéro des versets. Thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kama fi al-hadith صحيح آخر قال حديث 573 إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضلة فقولوا لا رد الله عليك ضلتك لا رد الله عليك ضلتك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si vous voyez quelqu'un vendre dans la mosquée ou bien acheter, si vous voyez quelqu'un dans la mosquée acheter ou bien vendre des choses, فقولوا ديك لوي لا أربح الله تجارتك. Que الله عز وجل ne fasse pas, que inshallah ne fasse pas gagner ton commerce. Que الله عز وجل ne fasse pas gagner ton commerce. لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضلة, et si vous voyez quelqu'un dans la mosquée crier, lever sa voix pour dire, n'avez-vous pas vu par exemple mon chameau, n'avez-vous pas vu ma voiture, n'avez-vous pas vu mes souliers, n'avez-vous pas vu mon portefeuille, etc., quelque chose qu'il a perdu, dites-lui la raddallahu alayka dallatak, que Allah Azza wa Jal ne te rende pas de la chose que tu as perdu. Pourquoi? Inna al-masajid lam tubna li hada, al-masajid inna ma buniyat li dhikri Allah Azza wa Jal, wa anta tastati' an tas'ala an hajatik duna an tarfa'a sawtak, تذهب إلى إنسان وتقول له مثلا هكذا في أذنه هل أو عند الباب أو هل رأيت مثلا الشيء فلاني أو كذا c'est pas la peine de crier. Tu peux rentrer dans la mosquée, demander à quelqu'un entre toi et lui, par exemple tu n'as pas vu mes souliers ou là tu n'as pas vu ceci, mais quand on lève la voix et on crie, ça veut dire on va perturber les gens. Certains sont en train de faire la prière, certains sont en train de lire le Coran. ثم ما رأيكم ما رأيكم وما ظنكم إذا قلت لكم إن فيه في حديث صحيح حيث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن الجاهر بالقرآن كالجاهر في الصدقة. هذا حديث في الموطأ وصحيح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نرفع صوتنا بالقرآن فكيف بالذي يرفع صوته بأمر من أمور الدنيا. Donc si le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith صحيح ne levez pas la voix, ne levez pas la voix quand vous lisez le Coran, moi je lève ma voix sur toi, toi tu lèves ta voix sur moi sur toi, ensuite on peut rien entendre. Si c'est ceci en ce qui concerne le Coran, il est interdit que je le lise. Quand il y a des gens avec moi, il est interdit que je le lise d'une façon comme ça, à voix haute, pour ne pas déranger les gens. Ça, c'est le Coran. Alors, qu'en est-il quand c'est quelque chose de ce bas monde? Demander où est mon chameau, demander où est la voiture, demander... Le Coran, on ne peut pas lever la voix. Alors, comment peut-on lever la voix si ce n'est pas le Coran? Et bien sûr, le commerce aussi dans la mosquée. Le commerce dans la mosquée, il est interdit. ولهذا نبه العلماء حتى على مسألة أخرى مهمة جدا. مثلا ما هي؟ هي أن مثلا أن بعضهم مثلا يعلق هكذا على جدران المسجد أو حتى داخل المسجد بعض يعني اللافتات وكذا، بعض الأوراق مكتوب فيها مثلا ماذا؟ مكتوب مثلا لمن يريد عمرة وكذا بسعر كذا و80 دينار وكذا وكذا، هذا كله داخل في التجارة. قال العلماء هذا كله داخل في التجارة، لابد الإنسان يقطع هذه الأمور من داخل المسجد. العلماء لي سافون يعني غومارك دي شوز كو نو اون بو با غوماركي. انا بليزيور فوا جي في دوفون لا موسكي ميم ما موسكي و جو سوي هناك دي شوز كي بارل دو عمرة ايتيا je n'ai jamais remarqué que c'était interdit. Pourquoi? Parce que on fait des affiches comme ça dans les mosquées, même à l'intérieur de la mosquée, des affiches, c'est écrit par exemple celui qui veut faire une omra par exemple seulement 60 dinars, bon dinars quitté bien sûr, seulement 60 dinars 3 jours, tu pars mercredi, tu reviens samedi, 60 dinars, etc. Ça aussi c'est interdit. Pourquoi? Ça aussi c'est du commerce. Toi tu es en train de faire du commerce à l'intérieur de la mosquée. L'autre, ils vendent des habits. Et toi, tu vends quoi? Toi, tu prends les gens à la Omra avec de l'argent. Ça aussi, c'est du commerce. Pire que cela, tel ulama qalu aydan, ma yif'aluhu ba'du an-nas mathalan, yudarris fil masjid, bi mada? Bi flous. Darris mathalan riyadiyat, wa yudarris ingliziya, wa kada, wa ya'khudh 'ala dhalika ujra. وبعض النساء أيضا مثلا تخيط في المسجد، تخيط أثواب وكذا داخل المسجد في قاعة معينة وتأخذ على ذلك مالا، هذا أيضا من التجارة داخل المسجد. العلماء on dit plus que cela, on dit même si quelqu'un donne des cours à l'intérieur de la mosquée avec de l'argent, parce que certaines personnes, certains professeurs donnent des cours de physique, d'autres donnent des cours de mathématiques etc. à l'intérieur de la mosquée mais avec de l'argent, chaque mois on le paye. Tout ça, ça rentre dans le commerce qui est interdit. Et certaines femmes, par exemple, coudent des habits, etc., pour des femmes et des hijabs, etc., à l'intérieur de la mosquée, avec de l'argent aussi. Celle-là aussi, elle est rentrée dans le commerce qui est interdit dans la mosquée. La mosquée, tu pars à la mosquée pour faire la prière, lire le Coran, dire subhanallah, alhamdulillah, apprendre le ilm. Tu ne pars pas à la mosquée pour avoir de l'argent et pour faire rentrer de l'argent. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث صحيح قال اذا زار احدكم اخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستاذنه. نعم من الاداب اذا زار احدكم اخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستاذنه. Si quelqu'un rend visite à son frère, il ne peut pas se lever. Il ne peut pas se lever et sortir avant qu'il ne demande la permission. C'est comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et nous, mathalan, ana da'outu mathalan insanan ou sadiqan ila bayti. Mathalan, huwa jalis mathalan fi sala. فذهبت أنا مثلاً إلى المطبخ لأحضره بعض الأمور وربما كلفت نفسي وكلفت زوجتي وكذا، ثم رجعت إلى الصالة فوجدت قد ذهب من غير أن يستأذنني. سبحان الله العظيم، وأنا ديما حضرت كل هذا، ثم يعني هذا الشيء يعني غريب في نفسه، كيف يعني خرجت من بيتي دون أن تستأذنني؟ فلابد الإنسان قبل أن يخرج حتى يستأذن، يقول إذن لي أنا ذهب إلى الصلاة أو أنا ذهب إلى كذا وعندي شغل أو كذا وكذا. Donc quand quelqu'un t'invite chez une personne, il ne peut pas sortir de la maison de cette personne sans avoir demandé la permission. Et j'ai dit par exemple pourquoi. Par exemple moi j'ai invité quelqu'un à la maison, par exemple je l'ai laissé dans la salle à manger, je suis parti à la cuisine pour lui préparer quelque chose, moi et ma femme, peut-être on a acheté beaucoup de choses etc. Ensuite lui, alors je prépare tout, je vais à la salle à manger, je ne le trouve pas. Alors pour qui j'ai préparé tout ça? Donc il fallait qu'il me dise pardon, j'ai affaire, je dois sortir etc. J'aurais su, je n'aurais rien préparé, je ne serais pas fatigué. Ensuite c'est un peu étonnant, comme je rentre pour discuter avec lui, je le trouve qu'il est déjà sorti. Comment il a ouvert la porte sans me demander la permission? Donc personne n'a droit de sortir avant de demander la permission de celui où on est dans sa maison. C'est comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. حديث حسن. حديث حسن. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith qui est bon, إذا زخرفتم مساجدكم. زخرفتم مساجدكم, c'est un peu difficile à dire en français. Il y a des ikhwa et des akhawat qui veulent vous aider dans la traduction. Il lève seulement la main. Je leur enlève le point rouge parce que je ne sais pas exactement qui est dans la liste. Je suis en train de faire le das, mais quand je vois la main levée, je sais qu'on veut m'aider. Zakhraftum, zakhrafa, c'est peut-être, hein, je dis peut-être de ma tête, à peu près, c'est embellir. Yani, on va à la mosquée, on commence à acheter un lustre qui vaut 100 millions. Ensuite, on va acheter une porte qui coûte 20 millions. Ensuite, on va acheter, je ne sais pas quoi, des glas, des miroirs, etc., qui coûtent des millions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait cela de sa mosquée, dans sa mosquée, ou la deuxième des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Coran et il le rend, à la rigueur, la couverture, il la rend tout en argent ou bien tout en or. Il a dit, dans ce cas-là, Abdamaru alaykum. Ça veut dire, je fais un dua contre vous. Je fais un dua que Allah Azza wa Jal qu'il vous fasse, yani, dammarkum. Tadmer. Comment on dit tadmer, yani, qu'il vous démolisse. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il démolisse une nation qui fait comme ça dans ses mosquées et qui fait comme ça avec le Coran. Le Coran n'est pas descendu pour qu'on le rende tout en or et en argent. Il est descendu pour que tu lises ce qu'il y a à l'intérieur et tu pratiques. L'Azawajal a dit, il parle de zina, il dit « Walayiznun » Place, tu t'éloignes du zina, tu dis « Sami'na wa ta'na » Tu lis dans le Coran « Walayiznun fi salatim khashi'un » Tu essayes d'avoir un peu de khushu' dans la salat. Il dit « Ussariq ussariqatu faqta'u idiyahuma » Tu es gouverneur, tu prends celui qui a volé, s'il remplit les conditions, tu lui coupes la main. Voilà pourquoi le Coran est descendu. Mais le dévier de ses buts, les buts du Coran, et de faire seulement, yani, de le remplir plein d'or et plein d'argent, quand tu rentres chez certaines grandes personnalités, tu rentres chez lui dans son bureau, tu trouves un grand Coran derrière son dos, tout en argent ou là en or, mais lui, peut-être qu'il ne fait même pas la prière, peut-être qu'il ne fait même pas le jeûne, peut-être qu'il fait la zina, etc. Alors que, à quoi ça va lui servir d'avoir, yani, comment on dit ça en français, d'avoir rendu tout le Coran, yani, en or ou là en argent. Le Coran, tu le rends tout en or ou en argent, il ne va rien te servir. Mais si tu pratiques ce qu'il y a à l'intérieur, même s'il est en vieux papier, les papiers, le Coran, j'ai un Coran de 200 ans. Là, et je pratique ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça qui va réjouir Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas ne pas le remplir de yani tuhallih bil dhahab wal fidda. Wa ba'dhum, certains masakin, ba'd al masakin yaqulu laka idhan limadha mathalan al masjid al nabawi wal masjid al makki, masjid fi Mecca wal masjid al Madina kulluhu fihi al dhahab wa fihi kadha wa fihi kadha. نحن نقول له أخي الكريم المسجد لا تأخذ إن شاء الله تعالى دينك من ماذا؟ تأخذه من القرآن والسنة, ولا تأخذه من ماذا؟ لا تأخذه من المساجد, لا تأخذه من المساجد. لحظة, بارك الله فيكم, أنا أقرأ في حاجة. لحظة, إبراهيم فيه صوت. إبراهيم شوف إذا فيه صوت. إبراهيم شوف إذا فيه صوت. Peut-être Ibrahim n'est pas là. Ibrahim n'est pas là. Ibrahim, fais saut. Bon, je vais enlever. Tamallah. tes zakhrafats, tout est beau, tout est clair. Premièrement, on lui dit, écoute, toi l'islam, tu le prends du Coran et de la Sunna. Tu ne le prends pas de la mosquée qui se trouve en Arabie Saoudite ou là de la mosquée qui se trouve en Algérie. Elle dit premièrement. Deuxièmement, tous les ulama, Cheikh Ben Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Alim Rahmatou, tous, ils ont écrit des milliers de lettres au gouverneur pour lui dire que de préférence on fait pas ça, on fait pas ça. Eux ils ont fait, alhamdoulilah, les ulama ont fait ce qu'ils peuvent. Maintenant le gouverneur qui te répond, il te dit oui ou il te dit non, ça revient à lui. Eux ils ont fait, les ulama, ce qu'ils peuvent. فإنهم إن شاء الله تعالى مأجورون على ذلك أي يعني que le gouverneur accepte de changer ou ne change pas, ça c'est autre chose. Donc moi je te montre la sunna et toi tu apprends la sunna, ça t'intéresse pas ce qu'il y a dans les autres mosquées. La sunna c'est la mosquée doit être très simple, la mosquée doit être très simple. Bien sûr maintenant de nos jours par exemple quand il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de chaleur par exemple, c'est permis de faire par exemple les climatiseurs, parce que c'est quelque chose dont les musulmans, ceux qui font la prière, ils ont besoin, sinon ils vont éclater de chaleur. C'est permis de faire par exemple les choses dont ceux qui font la prière dont ils ont besoin. Mais aller acheter comme je viens de dire des lustres, un lustre avec 100 millions ou 200 millions, alors qu'un petit lustre d'un million ou 2 millions peut faire la même tâche, voilà les choses qui sont interdites, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très important, ce hadith qui va venir, c'est un hadith très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala fi al-hadith wa huwa hadith sahih, idha zana al-'abd kharaja minhu al-iman fa kana 'ala ra'sihi kadh-dhullah. كان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. C'est un hadith très très important, très très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un fait la zina, la fornication, quand quelqu'un fait la zina, la foi va sortir de lui, la foi, l'iman qu'il avait va sortir de lui, et il sera sur sa tête comme un nuage qui reste au-dessus de ta tête. Un nuage. Ensuite, il a dit, فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلِهِ. S'il s'éloigne de la zina, il fait le repentir, le iman va revenir à lui. Là, il faut comprendre bien des choses. أول شيء مهم ما هو هو أن الزينة هذا إثم عظيم عند الله عز وجل وموبقة من الموبقات ومعصية كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث صحيح هو موجود عند الشيخ الألباني أيضا أن الزونات هذو يوم القيامة لهم نار خاصة بفروجهم, نار تخرج خصيصا لتحرقهم في ذلك المكان الذي عصوا به الله عز وجل. Donc je venais de dire que la zina هذه c'est un péché tellement grand qu'il y a un hadith sahih qui dit que le jour du jugement dernier, pour ceux qui faisaient la zina, il y a un feu spécialement qui va brûler le sexe. Un feu spécialement pour le sexe, qui brûle le sexe avec lequel il a fait la ma'asiyah de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith sahih. C'est tellement grave. « وَالَّذِي يَدُلْ أَيْضًا عَلَى خُطُورَتِهِ أَنَّهُ مَنْ زَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَزُوِّجًا يجلد 100 جلدة وإن كان متزوجا يرجم حتى يموت فإن كان غير متزوج يجلد 100 جلدة ويغرب من البلد سنة, يغرب من بلده إلى بلد ثان سنة. هذا الذي يدل على خطورة الزنا. Est-ce qui prouve aussi que la zina c'est quelque chose de d'immense, quelque chose de grave, c'est que quand quelqu'un fait la zina et il n'est pas marié, on doit le fouetter sans coup de fouet et le faire sortir de la ville ou du pays où il a fait la zina pendant un an. Il ne revient pas à la ville ou au pays où il a fait cela. Et s'il est marié ou bien il s'est marié une fois dans sa vie, ça veut dire déjà il s'est marié une fois dans sa vie, même si maintenant lorsqu'il a fait la zina il est divorcé ou sa femme est morte ou là, ça n'a pas d'importance, l'essentiel, il s'est marié, au moins une fois dans sa vie, il a fait la zina, celui-là, on doit le lapider jusqu'à ce qu'il meure. On le frappe avec des cailloux jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi ? C'est tellement grave la zina. Et s'il n'est jamais marié, on le fait, on le fouette sans coup et on l'expulse du pays pendant une année. Et bien sûr, Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a dit, on expulse de son pays, il a dit, on n'expulse pas dans un pays où il y a beaucoup plus de zina. Si quelqu'un a fait la zina au Koweït, on ne va pas l'expulser à la Suède. On va lui dire, va une année à la Suède. Parce qu'à la Suède, c'est pire, ou là en Suisse. On va l'expulser au Zimbabwe, ou là au Soudan, on va lui dire, va, ou là en Amazonie. On va, va en Amazonie avec les pygmées. Tu vas vivre là-bas une année avec les serpents, les crocodiles. Là-bas, d'accord, mais on ne va pas l'envoyer à la Suède. On va lui dire, tu vas une année. C'est pour ça que certains ulama ont dit, même si je n'ai pas oublié, même Cheikh Ibn Uthaymeen l'a dit. Il a dit, de nos jours, on peut le laisser, par exemple, on peut l'enfermer une année. Par exemple, on l'enferme dans une prison une année. C'est mieux que de l'envoyer dans un pays où il peut, bien sûr, maintenant, avec le téléphone, il peut contacter la femme avec laquelle il a fait, il peut faire mille choses. Il sera même très content quand l'envoie comme ça, touriste, une année touriste dans une autre ville. Mais autrefois, quand quelqu'un faisait la zina, il n'était pas marié, on faisait sortir une année de sa ville, c'est très difficile. Il va dans le désert, je ne sais pas où il va rester, sous un arbre ou là, dans le désert une année, on lui donne seulement à manger, ça c'est très difficile. Naam. Tumakal al-Nabiyu. Naam. J'ai pas terminé. Taniyin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tellement grave qu'il a dit, l'iman va sortir de lui. La hawla wa la quwwata illa billah. L'ulama ont dit, l'iman al-kamil al-wajib. L'iman al-kamil al-wajib. La foi qui va sortir, la foi, il y a deux fois. Il y a la foi, une fois. Si on l'a pas, on est kafir. Il y a une fois, si on l'a pas, on n'est pas un bon musulman. Ça s'appelle la foi parfaite. Ici, c'est quelle foi qui va sortir? La foi parfaite seulement. C'est pas la foi qui, si elle sort, il en devient kafir. C'est pour ça que beaucoup de pauvres masakines et beaucoup d'ignorants masakines qui ne connaissent rien de la sharia, ils prennent comme ça la chose, ils lisent, ils expliquent, ils prennent ce hadith comme dalil que quiconque fait la zina, c'est un kafir. Et celui-là, miskin, s'il savait que quiconque dit cela, c'est un khariji, c'est quelqu'un des khawarij. C'est les khawarij qui disent que quiconque fait un grand péché, il est devenu kafir. Mais al-sunna al-jama'a ne disent jamais ça, ils disent quiconque fait un grand péché, s'il revient vers Allah, il n'est pas, et Allah lui pardonne. Et même avec tous les grands péchés du monde, sauf si c'est le shirk, tout avec les grands péchés les autres, il ne devient pas kafir. Sauf avec trois ou quatre péchés que les ulama ont dit, sauf s'il fait une prosternation, une statue, ou bien il jette le Coran, ou bien il s'entretue avec un prophète, un nabi. Voilà les choses avec lesquelles on devient kafir. Mais si on boit de l'alcool, ou là on fait la zina, ou là, on ne devient jamais kafir si on reconnaît dans son cœur que Allah Azza wa Jal a interdit cela. Hada taniyan. Donc l'iman الذي يخرج منه وليس الايمان وليس مطلق الايمان انما هو الايمان المطلق كما قال العلماء وهناك فرق كبير بين مطلق الايمان الذي من تركه يصير مسلما بعد ان كان مؤمنا الايمان المطلق عفوا ومطلق الايمان الذي من اذا يعني اخل به صار كافرا دونك dans ce hadith quiconque fait la zina il a fait quelque chose de très grave. Et la foi parfaite va sortir, naam, on a de la fornication, ça. La foi va sortir de son cœur jusqu'à ce qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْتِرْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْتِرْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith sahih, quand quelqu'un demande à Allah azza wa jalla quelque chose, il demande par exemple de l'argent ou il demande n'importe quoi, qu'il demande beaucoup, fal yukthir, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ. Parce qu'il est en train de demander Allah Azza wa Jal. Soit quand tu fais des doigts, ne dis pas ça y est, un seul, ça suffit, ou là, j'ai honte, ou là. Allah Azza wa Jal, plus tu demandes, plus qu'il te donne, jamais ne se termine. Ce qu'il a ne se termine jamais, il n'a pas de fin. Les armoires qu'il a, il a les armoires des cieux et de la terre, et ces armoires ne se vident jamais, ne se vident jamais. Mais ce qui est ou l'adjib, l'insan, comme il dit, l'insan yardab. والله عز وجل إذا لم تسألوا يغضب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله إذا لم يسأل يغضب إن الله ومن لم يسأل الله يغضب عليه حديث صحيح من لم يسأل الله يغضب عليه سبحان الله العظيم الإنسان إذا سألته أنت يغضب والله عز وجل إذا لم تسأله يغضب لا حول ولا قوة إلا بالله نعم la personne quand on lui demande quelque chose on lui demande des choses elle se met en colère. Elle se dit, celui-là, il me demande, ça suffit. Et Allah Azza wa Jalla, c'est le contraire. Allah Azza wa Jalla, quand tu lui demandes pas, yardab, il devient en colère, il se courrousse. Il y a un hadith sahih qui dit, si tu demandes, même le misal Allah, yardab alayh. Quiconque ne demande pas à Allah, Allah Azza wa Jalla se met en colère contre lui. Quiconque ne demande pas à Allah, Allah Azza wa Jalla se met en colère contre lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi quand Allah Azza wa Jalla, tu ne lui demandes pas, il devient en colère? Parce que quand on ne lui demande pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, astaghfirullah de ce que je vais dire, ça veut dire que on n'a pas besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je me suffis, alhamdoulilah. J'ai assez d'argent, j'ai ma voiture, j'ai ma villa, je me suffis. C'est pas la peine de demander à Allah. Alors que le vrai croyant, même s'il est le plus riche du monde, il est toujours pauvre par rapport à ce que Allah Azza wa Jal a, pauvre par rapport à ce que Allah Azza wa Jal possède. Et Allah Azza wa Jal, quand tu lui demandes des choses, tu lui demandes de l'argent, tu lui demandes, il dit voilà quelqu'un qui reconnaît qu'il est pauvre, quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de moi, quelqu'un qui reconnaît que sans moi il peut pas vivre, quelqu'un qui reconnaît que il doit toujours avoir recours à moi. Et Allah Azza wa Jal aime ce genre de personne. Parce qu'il a dit dans le Coran, il a dit an ra'ahu istaghna. Inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ibn al-Qayyim a dit, ça veut dire ce verset, ça veut dire la personne devient paria, ça veut dire khlas, elle se vante, elle dépasse les limites, etc. Quand elle se voit qu'elle s'est enrichie, qu'elle n'a plus besoin des autres personnes. Donc quiconque ne veut pas demander à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal se met en colère contre lui. Car Allah Azza wa Jal dit, ou bien dira, cette personne sait que moi je possède tout. Je possède des armoires d'or, d'argent, de tout, et cette personne-là ne veut pas me demander. Pourquoi ne veut-elle pas me demander? Elle n'a plus recours en moi, ça y est, elle est devenue riche. Donc on doit toujours se mettre en garde et toujours se montrer pauvre vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on possède tout l'argent du monde. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih dans le Bukhari, un hadith sahih où Allah Azza wa Jal a fait descendre des sauterelles en or Ayyub alayhi salam. Naam, ala Ayyub qui était malade pendant 15 ans, 18 ans. Allah Azza wa Jal, après lui avoir enlevé la maladie, il lui a fait descendre des sauterelles en or. Et qu'est-ce qu'il a fait Ayyub alayhi salam? Il a commencé à prendre, à se remplir les poches, à se remplir de l'or. Ensuite, Allah Azza wa Jal lui a dit, Ya Ayyub, amashabi'at. Oh Ayyub, là tu n'es pas encore assouvi, tu as pris tout cet or. Il a dit, amma min barakatika fala yushba'. Oh, il a dit, amma an barakatika fun fala astaghni. Ma'na al-hadith wa huwa sahih. Qu'est-ce qu'il a répondu Ayyub? Il a répondu, oh Allah Azza wa Jal, personne ne s'assouvi de ce que tu donnes aux gens. Yani, quand c'est quelque chose qui vient de toi, on ne peut pas s'assouvir et dire « «Khlas, je n'en ai plus besoin.» » moi je suis un nabi, je m'appelle Ayoub, et tu m'as donné de l'or, moi je prends le maximum que tu me donnes. Donc il dit pas, non, classe, je prends une, deux, ça suffit. Non, la résultat donné, prends, et montre que tu as toujours besoin de lui, et que tu veux qu'il te donne, et que tu fasses beaucoup de doigts. Plus tu fais de doigts, Allah Azza wa Jal, en toute chose, plus Allah Azza wa Jal devient réjoui de toi, et il dit, voilà une personne qui ne peut pas vivre sans moi une minute. Chaque minute, elle fait un doigt, parce que cette personne ne peut pas vivre sans moi. Elle doit toujours avoir recours à moi. Je voudrais dire seulement ici, pour ne pas oublier, parce que peut-être je vais oublier après, je voudrais dire que pour certaines personnes qui croient que quand je parle comme ça, ou là je dis des choses, qui croient que peut-être je suis en train de faire la fatwa. Il y a certaines personnes peut-être qui disent le cheikh est en train de faire la fatwa. Je voudrais seulement leur apprendre que la fatwa, vous savez qu'est-ce que ça veut dire faire une fatwa? Faire une fatwa, ça veut dire que quand c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle chose vient d'arriver, on va chez les grands ulama demander la fatwa. Pourquoi? Parce que c'est une chose nouvelle, ça s'appelle nazila. C'est une chose qui est descendue, une chose nouvelle, on ne sait pas comment faire et quelle est la position de l'islam. Là-bas, on va chez les grands ulama, les grands savants qui font la fatwa. Et des fois, tu vas à un grand savant, tu vas chez Ibn Uthaymin et il ne connaît pas la réponse. Il te dit, Allah a dit, c'est tellement nouveau, il faut que je cherche, etc. Alors, si moi je fais de la fatwa, ça veut dire que moi, je suis comme Cheikh Ibn Uthaymin, je suis plus que lui. Ma'adallah, astaghfirullah. Moi seulement, qu'est-ce que je fais? Moi seulement, je vous dis ce que eux, les grands savants, ont dit. Je ne vous dis pas une chose comme ça de ma tête. Voilà la réponse, fais ceci, fais ça. Je te dis, voilà les savants et les ulama ce qu'ils ont dit. Ça veut dire, je suis ce qu'on appelle wasita. Anqullaka. Moi, je te dis, voilà Ibn Qayyim ce qu'il a dit dans le livre, voilà Cheikh Ibn Uthaymin ce qu'il a dit dans le livre, voilà l'Albani ce qu'il a dit, voilà Ibn Baz ce qu'il a dit. Et ça veut dire, au lieu que tu ailles, toi, chercher, tu vas chercher dans le livre, peut-être que tu n'as pas le temps, peut-être que tu ne vas pas comprendre ce qu'il a dit, etc. Moi, anqullaki, anqull, comment on dit en français, anqull, yani, yani, ce qu'il y a dans le livre, je te le donne, je te le transmets, voilà, que l'on fait, transmetteur. Moi, je te transmets ce qu'il y a dans les livres, ensuite, toi, tu vas, si tu n'as pas confiance, tu reviens au livre, où là, ce que je dis moi, tu le dis au grand ulama, tu leur dis, voilà, il y a quelqu'un qui a dit ceci, cela, et tu vois si ma réponse est la même que celle qu'ont dit les ulama. Tu la prends, si elle diffère, tu prends de celle des ulama, et ma réponse, tu la jettes contre le mur, parce qu'elle n'a pas de valeur quand elle est comparée à ce que disent les grands ulama. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إذا سجد أحدكم, quand quelqu'un de vous fait une prosternation, فلا يبرك كما يبرك البعير, il ne fait pas comme fait le chameau, mais qu'il mette, وليضع يديه, mais qu'il mette ses mains avant ses pieds. Et vous savez que cette mes'ala là, il y a beaucoup de divergences entre les ulama. Beaucoup disent, il commence quand il veut se prosterner, beaucoup disent, il commence par les genoux, il fait descendre d'abord les pieds, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres aussi disent, il commence par les mains avant qu'il commence par les pieds. Il commence par les mains avant qu'il commence par les pieds. Moi personnellement, je suis convaincu par les mains. Pourquoi? Parce qu'il y a ce hadith. Et je suis très convaincu par ce hadith qu'on doit commencer par les mains avant de faire descendre les jambes. Mais il y a d'autres qui sont convaincus qu'on doit descendre les genoux avant les pieds, que chacun travaille avec la chose avec laquelle il est convaincu. Tu as lu le hadith qui a dit on commence par les genoux, tu es convaincu de ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin Ibn Baz. Inch'Allah, tu n'es pas dans l'erreur, parce que ce sont des grands ulama qui ont dit cela. Moi je suis convaincu par ce hadith qu'a dit Cheikh Al-Albani, on commence par les mains avant les genoux. Moi, je travaille avec la chose avec laquelle je suis convaincu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. افتراش الكلب. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre hadith: وإذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand quelqu'un il fait une prosternation, فليعتدل, يعني qu'il soit comme ça, يعني bien معتدل. Bon, c'est difficile معتدل en français. لكن ce que je veux dire, ولا يفترش, il ne pose pas les bras d'Iraïe comme fait le chien. C'est pour ça qu'il a dit dans le deuxième hadith: فَإِذَا سَجِدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَرْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. Quand tu te prosternes, mets les mains et lève les bras. Pourquoi? Certains, quand ils se prosternent, ils mettent la tête comme ça, ensuite ils mettent les deux mains comme ça, les mains plus les bras, ils mettent les mains plus les bras par terre jusqu'au coude. Ils mettent les mains à partir des paumes jusqu'au coude. Tout le bras, il met par terre. Ça, ce n'est pas permis. Quand on fait cela, ça veut dire on s'est fait ressembler au chien. Vous voyez le chien quand il est assis, comment il fait? Il met les bras comme ça, les pattes à dos, il les met par terre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vous vous prosternez, vous devez mettre seulement les mains, les paumes des mains. Les paumes des mains, on les met par terre. Et on doit lever les bras. On doit lever les bras pour qu'ils ne doivent pas toucher la terre, le parterre. D'ailleurs, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïna sahaba et kouroun, anna nabi alayhi wa sallam, kana ida sajid, yarfa'u yedeh, ila daraja annahum kanu yarawna bayada ibtih. Bel ila daraja أن حيوانا صغيرا لو أراد أن يمر لاستطاع أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. Donc il y a même un hadith sahih qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il mettait les paumes comme ça, il se prosternait, il levait les bras, ils ont dit, au point où on voyait la blancheur de ses aisselles, sous ses aisselles. C'était tellement blanc, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une peau tellement blanche, il dit sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut passer. Ah, Rami. Ibrahim, Inch'Allah, il y a le saut, tu m'as fait peur, Ibrahim. Abu Muhammad, Ibrahim. Donc, quand on fait une prosternation, barakallahu fikum, on pose seulement les mains et les paumes, mais les bras, du poignet au coude, on doit les lever. Pour qu'il ne doit pas toucher la terre. Même s'il y a un petit chat qui veut passer, il peut passer. Pourquoi? Parce qu'on a levé les bras. Et je n'oublierai pas de dire ici à mes frères et mes sœurs de ne pas oublier que lorsqu'on fait une prosternation, on doit toucher avec la terre deux choses dans la tête. On doit toucher le front et on doit toucher avec le nez. Parce que je vois beaucoup de gens quand ils font une prosternation, il touche seulement avec le front et il lève le nez, ensuite le nez ne touche pas la terre. On doit toucher avec deux choses, on doit toucher avec le front et toucher avec le nez. Faites bien attention à ceux qui touchent seulement avec le front, ils ne touchent pas avec le nez, c'est une erreur. Idan lahidou barakallahu fikoum, la budda an tantabi'u an al-wahid idha sajad la budda an yadha'a jibhatahu wa anfahu 'ala al-ard, yumakkin al-jibha wa yumakkin aydan al-anf. Limadha? لأني رأيت ولاحظت كثير من الناس يضع فقط جبهته ويرفع أنفه، وهذا خطأ وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un autre hadith sahih: quand tu fais un péché, par exemple, il a dit le contraire, pardon. Quand tu fais, par exemple, une hasana, tu fais quelque chose, un bienfait, que Allah Azzawajal aime, et tu ressens dans ton cœur, yani, que quelque chose, yani, qui te fait plaisir. Et le contraire, et si tu fais un péché, et tu sens quelque chose dans ton cœur, comme un chagrin et des pincements, il a dit, tu es mu'min, ça veut dire que tu as le vrai iman, l'iman parfait, pas l'iman l'adi, tu as le vrai iman. لماذا؟ لأن المؤمن الحقيقي هو الذي إذا فعل سيئة تحصر وشعر بالضيق في صدره ولام نفسه وخاف من الله سبحانه وتعالى، وكذلك العكس إذا فعل الحسنة يشعر بفرحة في قلبه وترى يشعر حتى بالدموع تغمر عينيه. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه إن شاء الله تعالى صاحب الإيمان المطلق، يعني أنه إن شاء الله تعالى مؤمن، وليس فقط هو مسلم، إنما هو مؤمن إن شاء الله تعالى. Donc le vrai croyant إن شاء الله تعالى celui qui est يعني non seulement musulman mais croyant، parce qu'il y a l'iman، il y a l'islam l'islam musulman، ensuite il y a l'iman croyant، ensuite il y a ihsan beaucoup plus haut. Donc quiconque fait يعني quelque chose d'un péché il sent du chagrin dans son cœur etc. ou là il fait une hasana un bienfait il sent dans son cœur يعني qui est farhan ça lui fait plaisir etc. ça veut dire qu'inchallah ta'ala il a l'iman. Quand par exemple tu vois un mendiant ou là par exemple tu fais sortir quelque chose par exemple et tu vas lui donner en la face d'Allah en la cause d'Allah ensuite tu lui donnes surtout si c'est une somme par exemple assez importante tu lui donnes ensuite tu marches un peu tu sens comme des larmes qui veulent couler de tes yeux ça te fait plaisir tu sens un grand plaisir qui remplit ton cœur ça veut dire que c'est la preuve que tu as l'iman tu as le vrai iman. Et même si c'est une preuve inshallah ta'ala c'est même une preuve que Allah azza wa jalla inshallah ta'ala a accepté ce que tu as fait. D'ailleurs c'est lui qui a fait descendre cette chose en ton cœur et c'est lui qui a fait couler tes larmes. Voilà le yani inshallah dalil al iman. Peut-être on ajoute une chose et on arrête parce que c'est déjà l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit في حديث آخر إلى ذي قل اللحظة إلى ذي إذا ساق الرجل امرأته الماء أجر. إذا ساق الرجل امرأته الماء أجر. Si quelqu'un donne à boire à sa femme, Allah عز وجل va lui donner un أجر, va lui donner un bienfait ou la des bienfaits. Pourquoi? Parce que ذكرنا حديث كثيرة أن يعني المؤمن حتى كما في الحديث الصحيح حتى اللقمة يرفعها إلى في زوجته فله حسنة. حتى الشيء الذي يشتريه من أغراض وكذا إذا نفق إذا احتسبه لله عز وجل فهو مأجور على ذلك كما في الأحاديث الصحيحة. Donc on a dit déjà une fois que quiconque même quelqu'un qui est marié même quand il va acheter quelque chose pour sa femme il va acheter par exemple le manger ou là il va acheter s'il met entre ses yeux ou là il met en son cœur il met que quoi il met que yani l'intention qu'il va acheter cela parce que Allah Azza wa Jal c'est lui qui a dit c'est lui qui lui a demandé de faire des dépenses pour sa femme etc. Allah Azza wa Jal va lui donner un ajr comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit même yani la cuillère comme ça tu la lèves pour faire manger ta femme tu as un ajr inshallah ta'ala. Ici dans ce hadith il a dit même l'eau quand tu donnes de l'eau à ta femme tu lui donnes dans le sens que yani, tu veux appliquer ce hadith tu vas lui chercher elle veut boire tu vas prendre une tasse la remplir et la lui donner inshallah ta'ala Allah va te donner un ajr qui dire que combien yani, les portes sont ouvertes yani, pour faire les hasanats et pour faire les ajr seulement avec ta femme et tes enfants tu peux prendre beaucoup d'ajr sans aller dehors. Peut-être certains frères vont dire au lieu de dire le contraire c'est la femme qui va l'épouse qui va me donner de l'eau maintenant c'est moi qui vais lui donner de l'eau. Oui c'est pas moi d'abord c'est pas moi qui dis ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Et deuxièmement quand tu donnes parce que tu as un ajr c'est pas parce que tu es son serviteur. Pas parce que tu es son serviteur ou là pour avoir une bonne intention toi quand tu lui donnes c'est parce que Allah Azza wa Jal qui m'a dit de lui donner pour avoir des adj. Yani chouffe l'islam ce qu'il nous apprend et comparé à ce que disent les ennemis de l'islam ils disent que huquq al-insan ou sans huquq al-insan yani comment ça s'appelle huquq al-insan les droits de l'homme il n'y a personne moi qui va nous apprendre les droits de l'homme c'est l'islam qui a donné tous les droits à l'homme et à la femme. C'est pas le, je ne sais pas qui, c'est, je crois, Brigitte Bardot, elle va m'apprendre les droits des animaux. Les droits des animaux, moi je les connais dans des hadiths sahiha. Le prophète Hassan m'a montré que la femme qui est rentrée en enfer à cause du chat, elle lui a pas donné à manger. Elle avait un chat, elle l'a attaché à la maison. Au lieu de le laisser manger dehors, ou bien au lieu de lui donner à manger, elle lui a pas donné, il est mort. Le prophète a dit, je l'ai vu quand j'ai fait l'ascension à Allah, vers Allah, je l'ai vu en enfer, à cause du chat. Pire encore, il a dit, je l'ai vu et j'ai vu le chat en train de la griffer en enfer. Donc c'est pas Brigitte Bardot qui va me montrer et va me dire il faut donner les droits des animaux. C'est le prophète Sarzam qui m'a appris ça. Ça fait des 1400 ans ou 1500 ans, il a dit ce hadith. C'est pas un autre qui va m'apprendre, comme je viens de dire, ces choses-là. Donc regardez, l'islam il te dit comment tu dois être avec ta femme et comment il a donné la valeur à la femme. Et maintenant on veut nous dire que l'islam n'a pas donné les droits de la femme. Attendez que nous on va faire des lois pour donner les droits à la femme. Et Masakin Hadou, ce sont des pauvres, des ignorants, des ignares qui ne connaissent rien de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimana wa yahdihum wa yahdiyana. Thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha sakira ahadukum fajliduh thumma idha sakira fajliduh thumma idha sakira fajliduh fa in 'ada ar-rabi'a faqtuluh fa in 'ada ar-rabi'a faqtuluh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un son ivre ajliduh, fouettez-le. S'il refait la deuxième fois, fouettez-le. S'il refait la troisième fois, fouettez-le. S'il fait la quatrième fois, tuez-le. Qui sait tuer-le? Nous, on tue quelqu'un? Non, c'est le gouverneur qui tue, c'est pas nous. Nous, tuer des gens, on n'a rien à voir avec tuer des gens. Nous, on apprend aux gens le dîn. Mais s'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui doit tuer un autre, c'est le gouverneur, le khalifa qui fait ça. Ce n'est pas nous, c'est le khalifa. La police vient, elle prend cette personne, et le khalifa, c'est lui qui va le tuer. À cause de quoi? En islam, quand on boit du vin, la première fois on le frappe, la deuxième on le fouette, la troisième on le fouette, la quatrième, ça devient un fléau pour cette personne. Cette personne est très dangereuse, donc il vaut mieux éloigner ce virus de la société. Parce que la boisson, comme vous devez le savoir, c'est Umul Khaba'it. C'est Umul Khaba'it, c'est la mère des vices. La mère des vices. Il y a même un hadith sahih qui dit que quiconque boira de l'alcool dans cette vie et mourra sans faire le repentir, il a dit, même quand il va rentrer au paradis, il n'aura pas la boisson du paradis, il n'aura pas l'alcool, si on peut appeler ça l'alcool, il n'aura pas le khamr du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Na'am, jaza min jins al-amal. Man ista'jala al-shay'a qabla awanih, 'uqiba min hirmanih. Allah Azza wa Jal t'a dit, toi tu es un croyant, il y a dans cette vie une boisson alcoolisée, elle est illicite, je ne l'ai pas permise. Laisse-la seulement pour les kuffars et ceux qui ne croient pas en moi. Et toi, quand tu viendras au paradis, tu trouveras une boisson mieux que celle-là, un vin mieux que celui-là. Laisse celle-là et patiente et je te donnerai mieux que celle-là. L'autre, il va dire, non, moi je préfère celle-là, je m'en fous de celle qu'il y a au paradis. Allah Azza wa Jalla va te dire, puisque tu as bu ici, tu ne boiras pas là-bas. Donc c'est grave quand quelqu'un boit de l'alcool et ne boira pas là-bas de l'alcool. J'appelle pas ça de l'alcool, parce que l'alcool du paradis, elle n'enivre pas, bien sûr. Mais plus tu bois, plus tu sens un plaisir que tu n'as jamais ressenti dans ta vie. Alors ça, c'est en ce qui concerne la chose, yani tout ce qui est, c'est concerne le khamr, etc. Mais Cheikh Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, a dit, mais si quelqu'un boit ce qu'on appelle de la drogue, comme il a dit lui, le hashisha, si quelqu'un boit de la drogue, parce qu'il y avait en son époque le hashisha, a dit bien sûr, l'herbe, a dit, l'afion, etc. Il a dit, celui-là, on le tue la première fois. C'est pas la quatrième fois, la première fois, on le tue. Pourquoi? Parce que vous savez que quand quelqu'un devient un obsédé, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, de la drogue, elle dit, elle marche dans son sang, vous savez que il peut tuer sa mère, son père et tout le monde, et il peut voler tout le monde, et il peut tuer ses enfants pour acheter un peu de drogue. Ça, tout le monde le sait. C'est pour ça que l'islam dit, la première fois on le tue. Et là, on n'attend pas que le fléau grandisse. Dakhlas, il n'est plus valable pour vivre entre nous, c'est un malade, il ne peut plus vivre, il lui faut seulement de la drogue. Là, il vaut mieux s'en débarrasser parce que c'est un virus très grave. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit Alhamdulillah alladhi hadana li hada. On dit Alhamdulillah que Allah Azza wa Jal a éloigné de nous ces choses-là. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il éloigne ces choses-là de nos enfants. Parce que quand on a un enfant qui apprend la drogue et qui commence à faire ces choses-là, ça veut dire que c'est une chose très très grave. C'est pour ça qu'on doit beaucoup faire de doua, et on doit beaucoup demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner ce fléau, surtout le fléau de la drogue, de nos enfants, inshallah ta'ala. Bon, il reste beaucoup à dire, mais je dois m'arrêter ici, il est une heure et quart. La prochaine fois, inshallah, on va continuer ces hadiths, peut-être demain, inshallah ta'ala, on va continuer. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فإن أصبت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله دون 2 أو 3 مينوت أون كومونس لي كيستيون بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله 2 مينوت أون كومونسي لي سور إن شاء الله prépare dès maintenant les questions écrites pour les coller. C'est pas quand j'enlève la main ensuite elle va écrire. Prépare dès maintenant la question pour la coller, ou bien si elle ne veut pas qu'elle soit en son nom, elle l'envoie par exemple à Ibrahim ou à un autre, et lui il la pose. Dans 2 minutes, Inch'Allah, on commence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabda, Inch'Allah, ukhbirukum, sa'a al-wahida wa ruba'a, ray andi. Sa'a al-thaniya, Inch'Allah, sakar. Thaniya, sakar, l'annu asbaht maik fini l'wakt, l'innu, barakallahu fikum. Il est inchallah 1h15 à 2h pile on arrête, même si je m'arrête en plein milieu d'une phrase, je la termine pas parce que le temps il ne me suffit plus. Barakallahu fikoum. En islam, c'est interdit de dire je suis fatigué ou là, mais je voudrais seulement demander le minimum. À 2h inchallah ta'ala du matin on arrête et vous m'excuserez. Deuxièmement, il y a une sœur qui m'a déjà envoyer une question sur l'email. Ensuite, je ne sais plus qui est cette sœur. Je crois que c'est Salama, mais avec un numéro. Salama avec un numéro. Si elle est là seulement, qu'elle me fasse signe. Deuxièmement, bien sûr, on commence par les questions qui ont rapport avec ce que j'ai dit. Et chacun pose une ou deux questions, pas plus. Barakallahu fikoum. Tfadal Abou Ahmed, nabda inshallah. Tfadal là. Moi, en fait, j'avais pas une question, c'était juste si tu pouvais faire aujourd'hui ou la prochaine fois une siha pour les frères et les sœurs qui vont dans des salons dans lesquels il y a des choses pas très bien. Tu vois, il y a des salons où ils critiquent les savants, ou alors les gens parlent sans science, et il y a beaucoup, beaucoup de frères et sœurs qui, malheureusement, c'est un gros problème. Voilà, c'est juste ça que je te demandais, si Inch'Allah tu pourrais faire une siha sur ça la prochaine fois, Inch'Allah, si tu préfères. Barakallahu fik, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أبو أحمد. C'est très important ce que tu as dit. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. De préférence, on rentre dans un salon où on apprend quelque chose qui va être utile. يعني demain lorsqu'on va rencontrer Allah Azza wa Jal. Ou bien, c'est pas la peine de rentrer dans un salon. Il vaut mieux ne pas rentrer du tout. Prendre le Coran, le lire un livre ou là, le faire de la prière ou là, plutôt que de rentrer dans un salon où yani on dit des choses qui rendent Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre nous, et des choses, rentrer dans des salons où on n'apprend rien, ou bien rentrer dans des salons de tekfiriyin, le gouverneur a dit, le gouverneur, il faut tuer, il faut faire la guerre, il faut faire le djihad, il faut faire ça, du matin au soir, et lui, il n'a même pas fait le djihad de son âme. Lui, mais elle, il fume la cigarette, il, quand on voit les filles, il dit des choses, et ensuite, il vient parler de djihad dans la salle. Moi, je vous donne des conseils, d'ailleurs, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths sahihah, il y a ni que quelqu'un, ou bien, yani, il gagne des choses, ou bien c'est pas la peine de perdre son temps, De toute façon, inchallah, je ferai un dar spécialement pour cela, inchallah ta'ala. Tfadal, Hakim. Hakim a dit, salam alaikum. Pour le hadith du buveur d'alcool, la peine de mort, qu'est-ce qu'il voit? Est-elle abrogée ou pas? J'ai lu que ce hadith abrogé, barakallahu fik. Hakim, jazakallahu khairan, Sheikh bin Outaymin a dit ce hadith, yani, certains ont dit, on travaille plus avec lui, certains ont dit, on travaille. Ensuite, Sheikh bin Outaymin a dit, le juste, le plus juste, yani, l'arjah, que c'est, ça rentre dans la siyasa sharia. Siyasa sharia, yani, c'est le hakim, qui est libre de faire ce qu'il veut. Yani, quand on lui donne quelqu'un pour la quatrième fois, il voit. S'il veut, il applique le hadith. Il le tue plein de morts. S'il voit que ce n'est pas grave, puisque ce n'est pas très répandu, etc., qu'il ne le fasse pas. Amma al-Albani, rahmatullah, si c'est sahiha, a dit que le hadith n'est pas abrogé et que ce hadith, on doit l'appliquer. Wallahu ta'ala a'lam. Inch'Allah, le suivant, il te faut. Akhi, Ousmous, Tamallah. Akhi, Tamallah, je crois que tu n'as pas de micro. Je crois que ton micro ne marche pas. Parce que ça n'a rien donné. Je crois que ton micro ne marche pas. Wallahu ta'ala a'lam. Je n'ai rien entendu. Akhi, Riyad, tafadhal. Ah d'accord, Riyad, alaykoum salam, j'avais pas vu ta question, elle était tout en bas. Si on ne se prosterne pas sur les sept membres, est-ce que la prière est nulle? Si on le fait sciemment, yani, on dit moi je veux pas me prosterner sur sept, je veux faire seulement sur cinq ou sur six, je crains qu'elle soit nulle. Pourquoi? Parce que comment on dit ça en français? Quand on fait quelque chose, yani khilaf amr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose dans la ibada, il s'annule. Quand on fait quelque chose qui va à l'encontre de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en contradiction de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une adoration, ça devient nul. C'est pour ça que il faut, yani, ceux qui la font par djihl, ceux qui ne savent pas, ils la font. Inch'Allah ta'ala, yani Allah Azza wa Jal leur pardonnera, inch'Allah, sauf s'il leur donne un hitm pour ne pas avoir demandé l'ilm. Mais si quelqu'un l'a fait sciemment, il va dire non, moi je ne vais pas poser mon nez, etc., j'ai peur que sa salat soit annulée. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadl Ibrahim 13. Ibrahim, j'ai pas vu ta question, où est-ce qu'elle est? Je suis en train de la chercher. J'ai pas vu ta question, où est-ce qu'elle est? Je suis en train de la chercher. Franchement, je la vois pas. Tu dis, elle est écrite, moi je la vois pas. Non. Je profite pour répondre à Mohamed 0504, qui a dit: est-ce que tu peux nous donner les références des hadiths qui traitent de mauvais œil, point de vue, numéro dans les recueils, notamment dans le droit que je sais? Je voudrais savoir de quoi traite le livre Sahih al-Jami'. comment sont classés les hadiths et quel est l'objectif du shir. Les hadiths sont classés dans Sahih al-Jama', ils sont classés par ordre alphabétique. A, B, C, D, A, B, T, ou Hakada. Et l'objectif du livre, du shir dans ce livre, c'est, parce que le livre, c'est le livre de Suyuti. Ensuite, shir a pris le grand livre de Suyuti, le Jami' al-Kabir. Ensuite, il l'a divisé. Il a mis les hadiths sahiha dans un côté, sahih et hasan, dans des tomes, et les hadiths da'if et maudoua dans d'autres tomes. Ensuite, les numéros des hadiths, etc., je peux te les donner, mais pas maintenant, parce que maintenant, inshallah ta'ala, je suis en train de répondre. Barakallahu fik. Bon, puisque l'autre, Ibrahim, n'a pas posé sa question, Mohamed 054, tfadal. As-tu autre chose, tfadal? Salama, tfadali. Salama. Quand on fait quand on fait la prière, on essaye toujours de la faire avec une sutra. Sutra, ça veut dire, on fait pas comme font beaucoup de gens. Il fait la prière, par exemple, au milieu de la chambre, et il ne s'approche pas de la sutra. Il ne s'approche pas ni du mur, ni il pose une chaise devant lui, ni rien. Tu lui dis pourquoi? Il te dit, par exemple, il y a rien qui va passer. Non, même quand il n'y a rien qui va passer, on s'approche de la sutra. Comment qu'on s'approche la sutra? Quand on se met debout, par exemple, je vais faire la prière et je vais prendre comme sutra, je vais prendre le mur. Le mur, je vais le prendre comme sutra. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre debout entre moi et le mur 1,5 mètre. Je laisse 1,5 mètre entre moi et la sutra. Entre moi et le mur, ou bien moi et la chaise, moi et le divan. Je laisse 1,5 mètre quand je suis debout. Et quand je me prosterne, je laisse entre moi et la sutra, je laisse à peu près deux, comment ça s'appelle, chibran, entre moi et la sutra. Maintenant, quand j'ai pris la sutra, par exemple, j'ai mis une chaise, j'essaie au maximum de ne rien laisser passer entre moi et la sutra. Ni un bébé, ni un chat, ni rien. J'essaye seulement. Et maintenant, si un chat passe ou là, je continue ma prière, ce n'est pas grave. Sauf s'il passe un âne, ou bien un chien noir, ou bien une femme. Il y a une femme qui est déjà pubère. Sinon, je continue ma prière normalement. Wallahu ta'ala alam. Hajar, tafadlali Hajar. Tamallah, je vais inshallah t'ouvrir le PV pour que tu envoies ta question inshallah ta'ala. Et je ne vois pas pourquoi elle passe pas là, mais ça ne fait rien. Donne-la à Abou Mohamed pour ne pas perdre de temps. Donne-la à Abou Mohamed, inshallah il va la faire passer. Salama fiki barakallah. Ibn Abdullah, tafadal, je t'ai enlevé le point rouge, tafadal. Ibn Abdullah, tafadal, je t'ai enlevé le point rouge. Ibrahim, tafadal, tu veux parler? Sah, la question de Hajar n'est pas passée. Moi, j'ai cru qu'elle voulait pas poser, qu'elle s'est désistée. Ibn Abdullah, il n'y a pas ta question aussi. Ta question n'est pas passée aussi. Si tu veux, tu prends le micro, pardon. Si tu veux, tu prends le micro. Salam alaikum, cheikh. Tu sautes? Après, Inch'Allah, il y a le frère ou la soeur Ta'amman, Inch'Allah. Naam. J'ai écrit la question de Abu Ibrahim, là, je ne sais pas si vous la voyez. Je vous l'ai dit, Inch'Allah. Si un homme marié va voir une femme autre que la sienne et fait les préliminaires avec cette femme, mais il n'a pas consommé avec elle, il a juste fait les préliminaires, il regrette de son acte et a fait une tawba sincère devant Allah Azza wa Jal. Qu'en est-il de cet homme? Inch'Allah, je répète. Si un homme marié va voir une femme autre que la sienne et fait les préliminaires avec cette femme, mais il n'a pas consommé avec elle, il a juste fait les préliminaires et il regrette de son acte et a fait une tawba sincère devant Allah Azza wa Jal. Qu'en est-il de cet homme? يعني أخ متزوج وذهب إلى امرأة أخرى يعني ففعل بعض الأشياء ولكن ما جمعها فالأخ يعني يندم وتاب إلى الله توبة نصوحة فقال الأخ يعني ما قام هذا الأخ بنسبة السنة أرجو أنك فهمت بارك الله فيك. Naam, alaykoum salam, j'ai bien compris ta question. Bien sûr, l'insan hada, il a fait bien sûr une faute et une grande, bien sûr, il a fait une faute et une grande, lui et elle. Mais lui, au moins, alhamdoulilah, hada, il a fait le repentir. Les portes de Allah Azzawajal sont grandes ouvertes. Les portes de Allah Azzawajal sont grandes ouvertes. Tant qu'on fait un repentir, il remercie Allah Azza wa Jalla qui l'a aidé à faire le repentir, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait le repentir. Beaucoup de gens ne font pas le repentir. Donc il remercie Allah Azza wa Jalla qui l'a aidé à faire le repentir et qu'il ne revienne plus à ce qu'il a fait, parce que comme je t'ai dit, on commence par les petites choses, on termine par de grandes choses. Il remercie Allah Azza wa Jalla qui l'a aidé aussi. Il n'a pas fait, yani il n'est pas allé plus loin que cela, il n'est pas allé plus loin que cela. Et de toute façon, ce qu'il a fait, c'est bien sûr, c'est un péché. Et alhamdoulillah qu'il a fait la tauba. Allah Azza wa Jalla a dit pardon, l'aya hadik inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Yani quelqu'un, il peut être musulman, il peut être croyant, mais il peut faire une faute. Mais l'essentiel, c'est que yani, alhamdoulilah, il revient vers Allah Azza wa Jalla, yatadhakkar, et il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdoulilah, même il a ce frère-là, même il a, alhamdoulilah, il a un iman. La preuve, c'est qu'il a regretté et il a, inshallah ta'ala, il s'est juré en lui-même de ne plus refaire ce qu'il a fait. Tfadal le suivant, inshallah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai la question de Tamala qui n'arrive pas à vous joindre, Inch'Allah. Donc, Yaqoul, salam alaikum ya Sheikh. Allah izzadik, vos cours sont toujours aussi instructifs par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Allah izzadik ilma. La question est la suivante. Nous vivons en France, pour la plupart, dans le salon, et nous savons que le vice y est développé. Certains de nos frères et sœurs musulmans non pratiquants sont tombés dans certains vices, alcool, zina, vivre avec des koufars ou musulmans sans être mariés et avoir des enfants. Comment doit-on être avec ces gens-là? Pouvez-vous nous parler des différentes zina, la vue, l'ouïe et le châtiment qu'ils méritent ici-bas et dans l'au-delà? Et la deuxième question, et quelle est la peine pour les pédophiles? Et quelle est la peine pour les pédophiles? Al-Akhtakul Ani الأغلب يعني في هذا الاجتماع يعني من فرنسا، ف فتقول يعني أن الفساد انتشر في فرنسا يعني بنسبة الزنا وشرب الخمر والمعيشة مع الكفار والمسلمين وهم غير متزوجين، فكيف يعني نتصرف مع هؤلاء، كيف نتصرف مع هؤلاء؟ وتقول كذلك هل تستطيع أن تفسر لنا أو تشرح لنا أو تتكلم على الزنا، زنة العين وزنة السمع إلى آخره، وما هو عقابه في الدنيا والآخرة؟ وسؤال ثاني يعني ما هو الحد على الذين يجامعون الأطفال، على الذين يجامعون الأطفال؟ فبارك الله فيك وأرجو أن السؤال جاء إليك، أعظم الله أجركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت تعلم ابتداء أن الذي يعيش في بلاد الكفر لابد أن يعيش هذه المشاكل، لأن البلاد نفسه اسمه شنو اسمه بلاد كفر، يعني تعيش في وسط الكفر، فلابد يعني أن لا يعني الإنسان يستغرب هذه الأمور، لأنه يعيش في في في في في قعر ماذا الكفر وفي يعني في في أصله نفسه. Donc tout le monde sait que quand quelqu'un vit dans un pays de kufr, que ce n'est pas étonnant que des choses pareilles arrivent, parce que tu es dans le kufr lui-même. Yani, le pays c'est un pays de kufr. Tout est kufr devant toi, derrière toi, en haut, en bas. C'est pour ça que, comme j'ai dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans beaucoup de hadiths que quiconque doit faire la hijra, doit quitter le pays de kufr pour ne pas tomber lui-même dans le piège. Parce que lui-même, petit à petit, il va tomber dans le kufr. Deuxièmement, quand on vit dans un pays de coffre, à force qu'on voit le coffre et on voit les maasi, on voit les péchés, on voit la zina, etc., ça devient une chose naturelle. À force de voir le coffre lui-même devient naturel. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, si vous faites venir quelqu'un, par exemple, qui vit dans un pays, par exemple, où toutes les femmes mettent le djilbab, si tu lui fermes les yeux, ensuite, tu le mets dans l'avion, tu le fais descendre en plein Paris par exemple, celui-là il peut tomber cardiaque, il peut mourir. Pourquoi? Il va voir des femmes, etc. Yani, il va peut-être s'il a une maladie de cœur, il va mourir. Mais quelqu'un, tu vas prendre un frère qui vit en plein Paris ou là avec une barbe très longue, il voit une femme en mini-jupe pour la plus, ça lui dit rien. Pourquoi? Parce que il s'est habitué à cela, ça lui paraît plus que c'est un péché, ça lui paraît une chose très très normale. C'est tout juste s'il se dit c'est un péché, c'est déjà alhamdoulilah, il a assez d'iman, mais peut-être ça lui paraît quelque chose de très très normal. C'est pour ça que bon, on a déjà assez parlé. Allah Azza wa Jalla yu'inakum wa yifta' alikum futuhat min indih tata'ishu wasat al muslimin bi halawat al iman. Mais en ce qui concerne ce que tu as dit, que la pédophilie, etc., il faut que tu saches que l'islam dit que quiconque fait avec un homme ou une femme avec une femme, ceux-là, les deux, ils doivent être tués du premier coup. Qu'est-ce que ça veut dire du premier coup? Ça veut dire, on ne dit pas s'il est marié, on lui fait ceci. Si c'est pas encore marié, on fouette seulement. La charia a dit, quiconque fait femme avec femme ou homme avec homme, ceux-là, ils doivent être tués directement. On ne doit pas chercher, par exemple, est-ce qu'il est déjà marié ou est-ce qu'il n'est pas déjà marié. Pourquoi? Parce que c'est plus grave que la zina. C'est plus grave que la zina. D'ailleurs, la pédophilie. Ah, seulement des enfants. Moi je parlais homme avec homme, je croyais que c'était homme avec homme. Maintenant si c'est homme avec un homme avec un enfant, celui-là non seulement il doit être tué, mais celui-là il doit être c'est pire que, pourquoi? Parce qu'il abuse, il abuse d'un petit enfant miskin qui ne sait pas, et ensuite cet enfant à force, quand on abuse de lui, à force d'abuser, ça lui devient un vice. Ensuite l'enfant quand il va grandir tout en ayant plaisir à cela. Ensuite, il ne peut plus s'en passer cela. C'est pour ça que ceux qui vivent dans un pays de coffre, ils doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup faire attention à leurs enfants. Les femmes et les hommes. surtout les femmes, parce que l'homme il est dans le travail, il est là, yani, tout le temps, yani, il ne pense pas à ces choses-là. Mais la femme, elle doit beaucoup faire attention à ses fils, beaucoup lui faire la morale, etc. Et beaucoup le surveiller. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, spécialement, il y a des sectes, spécialement pour cela. Des sectes qui font cela, qui abusent des enfants, qui volent même des enfants, les kidnappent dans ce but. Et ça, bien sûr, il y a beaucoup dans les pays de Kof, beaucoup plus que dans d'autres pays. En ce qui concerne la zina de l'œil et des mains, bien sûr, il y a un hadith sahih qui dit que presque toutes les personnes font la zina. Il a dit l'œil fait la zina, c'est quand il regarde le haram. La main fait la zina, c'est quand elle touche, par exemple, un corps haram. La bouche fait la zina, c'est quand elle l'embrasse, par exemple, une femme de haram. Et ensuite, il a dit le sexe. Yani, c'est lui qui yusaddiq ou yukaddib. Maintenant, s'il fait ensuite avec le sexe, ça veut dire ça y est, il a fait la grande zina. Et s'il ne fait pas avec le sexe, ça veut dire qu'il a fait seulement la petite zina. Donc la zina, il y a la grande et il y a la petite. La grande, c'est avec le sexe, et la petite avec les yeux, avec la main, avec la bouche, etc. Mais même la petite, ça s'appelle déjà une zina. Le fait qu'elle s'appelle zina, c'est déjà quelque chose de péché, et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. De toute façon, le hadith de la zina avec les yeux, il va arriver très bientôt, inshallah. C'est pour ça que je le laisse pour une autre fois. Et il y a beaucoup qui posent des questions. Il reste seulement un quart d'heure. Je donne la question à Ibn Abdullah. Tfadl, Ibn Abdullah, tfadl. Si Ibn Abdullah n'a rien, tu peux le poser 93. Salam alaikum, Cheikh. كتبت السؤال من الأخ ابن عبد الله المغربي. هل تراء أم لا؟ هل تراء أم لا؟ اكتب رقم واحد. Cheikh, est-ce que tu vois la question que j'ai envoyée? Non, moi ça là je vais la poser. Inch'Allah, le frère Ibn Abdullah al-Maghribi yaqul assalamu alaykum wa rahmatullah. Dans notre mosquée en France, ils avancent la salat du Isha environ 15 minutes avant l'heure du calendrier et ils ne regardent pas le ciel pour vérifier. Est-ce que je peux faire la salat chez moi parce que je crains qu'il la fasse avant son temps? Soit l'awal. La dernière question. Hier, je t'ai demandé pour mon site internet si je pouvais mettre un paiement par carte bancaire, sachant que des règlements interdits. Barakallahu fik. Fika barakallahu. Ce qui concerne la mosquée, j'ai déjà dit une fois. S'il y a un calendrier officiel, on vit dans un pays où il y a un calendrier officiel, ça veut dire qu'il vient d'un côté officiel. Ça veut dire, par exemple, il vient du centre, par exemple, islamique. Par exemple, le pays où je vis, il y a par exemple un centre islamique, c'est lui qui fait le calendrier. Et le calendrier là, il dit, par exemple, c'est la prière à 8h10. S'il dit le calendrier c'est à 8h10 et le calendrier est officiel, toi, tu n'as c'est pas de nos ressorts, nous, de voir le ciel et de voir le soleil, etc. C'est le hakim qui fait cela, c'est le côté officiel qui fait cela. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des choses qui reviennent au hakim, c'est lui qui décide des choses là. Inch'Allah, toi, si tu sais que le calendrier est là, sur qui il se base, il est officiel, c'est pas l'imam lui qui a décidé lui-même, l'imam de la mosquée qui a décidé ça, mais c'est un calendrier officiel qui vient d'un côté officiel. Toi, tu te réfères au calendrier et demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu as toujours le ajra. Pourquoi? Si eux, ils se sont trompés, c'est eux qui prennent le ithm, et si eux le ithm et toi, bien sûr, l'ajr, et si eux, ils se sont pas trompés, les deux, vous prenez l'ajr, incha'Allah. Maintenant, si, comme tu dis, tu as des doutes ou tu ne sais pas, etc., tu peux faire la prière avec eux, avec l'intention de la nafila, et à la maison avec l'intention du fard, avec l'intention de l'obligatoire. En ce qui concerne la banque, je t'ai pas encore trouvé. En ce qui concerne la banque, je t'ai pas encore trouvé. Barakallahu fik, attends-moi un peu. Jazakallahu khairan. Fouzi tlata ou tlain ta fadbal. أخي فوزي تفضل بارك الله فيك لوتون تفضل السلام عليكم الشيخ الأخ فوزي لا أعرف ماذا يفعل ولكن أخت منذ يعني منذ الزمن يعني رفعت يدها وتريد السؤال فعفوا تقول كيف المؤمن يعني يتصرف مع الزاني والزانية وتقول كذلك عندما رفع من السجود هل يجوز لنا أن نتقدم أو أن نتأخر من نتقدم قليلا أو نتأخر بفرنسية comment le croyant se comporte avec le fornicateur ou la fornicatrice et au lever du sujoud a-t-on le droit de reculer et au lever du sujoud a-t-on le droit de reculer faire un pas en arrière ou en avant barakallahu fikum. فيك بارك الله فيما يخص ابن عبد الله المغربي اشتدي وسيتوا فيك بارك الله بارك الله en ce qui concerne comment on se comporte avec un fornicateur ou une fornicatrice d'abord non Fouzi je vois pas ton message Fouzi je vois pas ton message je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je vois pas le message je ne sais pas je vois pas ton message je vois que tu as écrit vous voyez mon message mais je vois pas le message. En ce qui concerne le fornicateur et la fornicatrice, ça dépend qui se sent. Est-ce que ce sont de la famille ou ce sont des voisins ou là, je travaille avec eux ou là. Mais en général, quand on connaît quelqu'un qui fait la chose heavy, que Allah Azza wa Jal déteste et que Allah Azza wa Jal se met en colère à cause de cette chose, en général. On essaye, si on peut, si on connaît par exemple ces deux personnes ou bien l'une des deux personnes, on essaye de lui donner des conseils. On essaye de lui dire que c'est grave et lui dire les hadiths qu'il y a en ce sens et lui dire que la charia islamique, ce qu'elle dit, etc., etc. Et ensuite, si il n'y a pas de natija et s'il n'y a pas de résultat, on peut. Dans des conditions, on peut faire quoi? On peut faire ce que s'appelle l'hajr. L'hajr, ça veut dire ne plus parler à une personne parce qu'elle fait de grands péchés. Mais le hajr hada, le hajr, s'éloigner d'une personne, ne plus lui parler, etc. À cause de cela, les ulama disent, on fait le hajr hada, premièrement, après avoir appris à la personne, etc., après avoir fait la nasiha, les conseils, etc., et deuxièmement, on fait le hajr quand on sait qu'il va pas, ça va pas nous poser des problèmes. Si on fait le hajr, ensuite, on va avoir de gros problèmes avec la personne de qui on s'est éloigné. Ou bien on va, elle va nous faire des problèmes, elle va nous emprisonner ou elle va. Dans ce cas, on l'a fait pas. Pourquoi? Parce que quand on fait le hajr là, c'est quand on a de, yani, j'ai des doutes. On a yaglibu ala dhanna, on pense que si on lui parle pas, etc., ça va lui faire du bien. Mais maintenant, si une personne, si elle voit que par exemple tu lui parles pas, etc., elle va devenir plus encore, elle va faire beaucoup plus de péchés, etc., ici, il vaut mieux ne pas faire le hajra et la hijra. Il vaut mieux ne pas le faire. Pourquoi? Parce que quand on fait la hijra et le hajra, c'est pas quelque chose en soi-même. Mais si on l'a fait pour cette personne, yani pour que cette personne devienne bien, pour que cette personne s'éloigne des péchés. Maintenant, si on sait que elle va pas s'éloigner des péchés, quand on va la laisser comme ça en quarantaine, donc à quoi ça sert de faire le hajj? Donc comme je venais de dire, on essaie de lui donner des conseils, on essaie de, à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il lui ouvre, que tu sois inchallah ta'ala la cause pour que il lui ouvre son cœur. Ou bien, si tu n'as pas de solution, que tu sois yani loin d'elle, parce que c'est cette personne qui demain va le regretter, c'est pas toi. C'est cette personne qui demain, quand elle va mourir, c'est elle qui va regretter, c'est pas toi. Donc, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, da amr al-amma wa alika bi khassati nafsik wa da amr al-amma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith long, à la fin il a dit qu'il va y avoir beaucoup de machakil, beaucoup de problèmes, etc. Quand tu vis ces moments-là, occupe-toi de ta propre personne et laisse les affaires et les problèmes des gens. Occupe-toi de ta propre personne et laisse les affaires des gens. Donc toi, tu regardes si tu peux pas la conseiller, etc. Tu appliques ce hadith. Tu vois ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'autre personne qui est entre elle et Allah azza wa jal. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal inshallah le prochain. السلام عليكم ورحمة الله في الصوت إن شاء الله عندي السؤال من أخ فوزي 93 نعم الأخ يقول السلام عليكم يا شيخ كيف نتصرف في بلاد الكفر إذا رجل سب وشتم الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامي هل أذهب ولا أقول شيء أو أدعو عليه أو أضربه. En français, assalamu alaikum yashir, comment réagir dans un pays de kuffar quand une personne insulte l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant soi, doit-on partir sans rien dire, faire des dua contre lui ou le frapper? Jazakallah khairan. Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Écoute, moi je t'avais dit que dans un pays de coffre, il faut s'attendre à tout. Dans un pays de coffre, il faut s'attendre à tout. De toute façon, des gens qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala ou l'islam, là, ça se trouve même dans des pays musulmans. Même dans des pays musulmans. Mais ce qui se trouve pas, en général, ce qui se trouve pas chez des pays musulmans, c'est que quelqu'un insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est drôle. Des gens insultent Allah subhanahu wa ta'ala quand ils s'énervent, mais on n'a jamais entendu quelqu'un insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la sharia islamique dit que quiconque insulte Allah azza wa jal, ensuite il se repentit, le gouverneur ne lui fait rien s'il se repentit. Mais quiconque insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le gouverneur doit le tuer même s'il se repentit. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Parce que quand tu insultes Allah Azza wa Jal, tu t'es repenti, Allah Azza wa Jal est vivant, il t'a entendu, il est vivant, il peut te pardonner. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as insulté est mort, et on ne sait pas s'il t'a pardonné ou il t'a pas pardonné. Alors, le hakim, le gouverneur, va te tuer, peine de mort, et ensuite, si le prophète te pardonne demain, ça c'est autre chose. Mais tu dois payer ici et mourir alors que tu as insulté Allah Azza wa Jal et tu ne meurs pas. Subhanallah al-Adim, c'est dire yani, comment la sharia, comment qu'elle voit les choses, comment yani, kulshi munasib wa bihikma. Maintenant, quand on est dans un pays de coffre, on voit quelqu'un insulter ou là, ça diffère beaucoup, ça dépend où, qui a insulté, qu'est-ce que je peux faire, qui est-il et qui suis-je. Il y a beaucoup de choses qui rentrent au milieu. Mais en général, on peut pas faire beaucoup de choses. En général, il est dans son pays, et la loi est avec lui, elle n'est pas avec toi. La loi terrestre, bien sûr. Elle est avec lui, et elle n'est pas avec toi. Donc, de préférence, tu te lèves, et tu vas loin, et dans ton cœur, ou là, même si tu fais des doigts contre lui, ou là, tu es libre, bien sûr. Tu peux même, yani, certains ulama vont même, jusqu'à yani, tu peux dire la'nat Allah, yani, certains vont jusqu'à que tu dises bil'an, yani, bon, si tu dis la'nat Allah ala al-kafirin ou la hada, tous ils sont unis pour cela. Mais si tu dis la'nat Allah ala hada shakhs, il y a une différence entre les ulama, mais certains disent que c'est permis spécialement yani, pour celui-là. Donc tu te lèves, tu vas loin, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne le châtiment qu'il mérite, qui lui donne le châtiment qu'il mérite. Maintenant, si tu as assez de force, de courage pour le lui dire Agda en face, et tu sais qu'il ne va pas t'arriver de problème, etc., ça, c'est entre toi et ta foi. Lakin Allah Azza wa Jal ne t'a pas demandé de faire des choses qui te font du mal. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadl, inshallah, le prochain, il reste 3 minutes. Tfadl, le prochain, inshallah. Omar Abdelrahman, d'abord, avant cela, Abou Mohamed, tu m'avais aussi posé une question quand une femme se prosterne, ensuite elle se lève. Elle se lève, est-ce qu'elle se rapproche ou là, elle va un peu en arrière? Ça n'a rien à voir avec. Il n'y a pas une sunna qui dit cela. Quand tu te lèves normalement, et où tu te trouves, c'est ça. Il n'y a pas quelque chose dans la sunna qui dit il faut que tu t'approches un peu ou que tu reviennes un peu en arrière. Même tu te lèves. Juste, il n'y a pas reculer ou avancer d'un pas en se levant après le soujoud. Il n'y a pas cela dans la sunna. Dans la sunna, quand tu te lèves, tu essaies toujours quand tu peux de laisser entre toi et le mur, la sutra, tu laisses 1,5 mètre entre toi et la sutra. Et quand tu fais le soujoud, tu laisses entre toi et le mur de façon, par exemple, qu'un mouton puisse passer entre toi et le mur. Mais il n'y a pas tu avances ou tu recules. D'un pas, ça je le connais pas, franchement je connais pas cela. Je sais que quand l'imam, quand tu es en train de faire par exemple une salat, il n'y a pas de sutra, ou bien que tu avais une sutra, ensuite la sutra est partie par exemple. Supposons que je suis en train de faire la prière et j'ai pris comme sutra, j'ai pris le dos de quelqu'un est assis dans la mosquée, sans qu'il sache, je suis venu derrière lui et j'ai dit Allahu Akbar. Ça veut dire son dos c'est une sutra par rapport à moi. Ensuite lui il ne sait pas, il s'est levé, il est parti. Maintenant moi je peux reculer ou avancer d'un pas ou aller à droite ou à gauche d'un pas s'il y a une autre sutra devant moi. Ça d'accord. Mais quand je fais seul la prière et il y a une sutra et je me lève, je recule, je ne connais pas ça. Si la personne fait cela par habitude, il faut qu'elle se délaisse de cette habitude, parce que c'est une habitude dans la prière, c'est une habitude qui n'existe pas, c'est une habitude qui commence par l'habitude et finit par la bid'a. Elle commence par l'habitude, ensuite elle va finir par la bid'a. C'est pour ça qu'elle essaye le maximum de s'en éloigner, inshallah ta'ala. Oumar Abdelrahman a dit, quand la femme fait salat dans un lieu où des hommes peuvent la voir, elle se voit le visage et les mains. Mais quand elle se prosterne, doit-elle lever son sitar pour que le front et le nid touchent le sol. En ce qui concerne une femme, quand elle fait la prière, quand il n'y a pas d'homme, où toutes les femmes bien sûr savent que son visage ne doit pas être couvert, ni le visage ni les mains, quand une femme fait la prière et qu'il n'y a pas d'homme. Quand il y a des hommes, elle se cache le visage et les mains. Quand elle se prosterne, elle n'est pas obligée de lever. Elle n'est pas obligée de lever le sitarada, mais elle peut le laisser. Et si elle a des gants dans les mains, elle peut aussi le laisser parce que le nez a touché, mais il y a entre le nez et le parterre, il y a un voile. Ce n'est pas grave parce qu'elle l'a fait à cause des gens. Elle l'a fait à cause des gens. Wallahu ta'ala. Maintenant il est 2h du matin, même 2h05 dépassé. Je dois m'arrêter comme je vous ai dit parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour dormir. Je vous donne inchallah ta'ala rendez-vous demain aux environs de 10h30, 11h inchallah ta'ala. Je répondrai inchallah aux autres ikhwa auxquels j'ai pas encore répondu. Je m'excuse beaucoup si je m'arrête. Déjà il y a quelqu'un, Abdelkader des Émirats, qui m'attend en privé. pour j'espère que vous me comprendrez, que vous me pardonnez. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخي عبد القادر, tu avais besoin de moi, on part vite. واسمه هذاك, je sais pas comment faire pour aller de